Hop, hop, hop. Garde-la, garde-la. Quatre. Oui, oui. Allez, la nuque, 4. Là, deuxième. 4, la nuque. Emric, allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Emric, s'il te plaît. Mais c'est bon comme ça. Quelqu'un avec moi, les gars. Sors de bas, s'il te plaît. Je te mets. Allez, la nuque. Tommy, viens. Tommy, viens. Quoi? Tommy, viens. Vas-y, fonce. Allez, allez, 4. Elle a pas pu passer. À droite. Le mur, à droite. Allez, laisse comme ça. Super, c'est bon. Tac, tac, c'est bon. Allez, les gars. Bien joué, les noirs, bien. Ouais. Garde un œil. Viens, fais ce ballon. C'est un ballon. Voilà. Seul, Fares, tranquille. Voilà, ça vient tout doucement. Bien joué, Yves. Seul, malin. Fais-la, à droite. Bien joué, Raph. Viens, pas. Sale.